Evariste Ndikomanyanga. Anselme Mirambo sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la Radio Isanganiro à ce journal, édition de la mi-journée de ce lundi 20 juin 2022. Donc voici d'abord le sommaire. Le président de la République s'est envolé le matin de ce lundi à destination de Nairobi au Kenya. Selon le communiqué du bureau chargé de la communication à la présidence, et le chef de l'État participe au sommet des chefs d'État de l'EAC sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les réfugiés congolais vivant la mairie de Bujumbura demande d'avoir la nationalité facilement pour ceux qui le souhaitent. Bénéficier des soins médicaux et l'éducation pour leurs enfants, ils l'ont dit ce lundi en date du juin où le monde célèbre la journée des réfugiés. Dans le cadre de la préparation de la 5e édition du Festival de l'art et de la culture Jamafest qui se tiendra au Burundi en date du 4 au 12 septembre cette année, les experts en provenance de l'EAC en matière de la culture se réunissent à Bujumbura pour se préparer à ce grand meeting. Et dans la chronique sportive de ce lundi, on vous parlera de l'arbitrage du jeu de sitting volleyball pratiqué par les personnes aveugles. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, s'est envolé le matin de ce lundi à destination de Nairobi au Kenya. Selon le communiqué du bureau chargé de la communication à la présidence, et le chef de l'État participe au sommet des chefs d'État de l'EAC sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Selon RFI, lors de leur dernière rencontre en avril, les États membres s'étaient mis d'accord sur le déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. République démocratique du Congo, fraîchement membre de l'EAC. Dimanche, les chefs d'état-major de la région se sont réunis pour discuter de ces modalités. Page éducation, début ce lundi des corrections du concours national en province Bururi. Ces activités se déroulent au lycée de Bururi où 102 enseignants sont en train de corriger 3303 copies, cela pendant 5 jours. Senghiumva Antoine, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, fait savoir que ces enseignants choisis pour la correction du concours national de cette année sont classés premiers dans leur discipline au concours national. Édition 2021, il leur a demandé d'exécuter convenablement ce travail. Au cas contraire, ils seront sanctionnés. Certains habitants de la province Kayanza indiquent qu'ils n'ont pas été consultés pour le projet du gouvernement de réorganiser l'administration des provinces, des communes, des zones, etc., tel qu'il a été adopté par le Conseil des ministres. Ces habitants espèrent que cette nouvelle organisation leur portera une plus-value, même s'ils évoquent la question de longue distance. Comme ils l'ont dit à notre correspondant sur place, Patrick Senghiumva, une courte pause. Nous avons pour le premier thème l'organisation des Kilikura face à l'employabilité des lauréats thèmes éducatifs. Nous avons la... Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous nous excuserez de cette erreur technique. Page éducation à présent. L'organisation de l'enseignement qui répond aux besoins du marché de travail au Burundi est l'une des recommandations issues des états généraux de l'éducation qui a eu lieu la semaine dernière. Lors de ces états généraux, il a été également recommandé la mise en place d'un système de gestion rationnelle des sources humaines, de ressources humaines. Suivez Frédéric Banguilinama, secrétaire permanent au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, qui a lu le rapport des recommandations. Nous avons pour le premier thème l'organisation des Kilikura face à l'employabilité des lauréats thèmes éducatifs. Nous avons la première recommandation, veiller à la cohérence du continuum des Kilikura depuis le préscolaire à l'enseignement supérieur en impliquant tous les partenaires. Dans cette recommandation, on a déjà listé trois activités. Il s'agit d'évaluer les réformes entreprises à tous les niveaux du système éducatif. Deuxième recommandation, veillez à ce que les disciplines constituant les domaines du quatrième cycle du fondamental soient dispensées par des enseignants qualifiés. On a voulu dire le professorat que vous avez évoqué vous-même. Dans cette recommandation, il y a trois activités qu'on a proposées. Nous avons identifié les enseignants qui dispensent les cours pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, recruter les enseignants qualifiés, réaffecter si possible les DCT qui sont dans le quatrième cycle pour revenir dans les trois premiers cycles. Troisième recommandation, mettre en place un système de gestion rationnelle des ressources humaines. On a dit qu'il y a trompé, agir sur ce que nous avons pour mieux servir notre population. Quatrième recommandation, il s'agit de la formation en filière stratégique. Vous avez parlé que nous avons besoin de chemins de fer. Il faut y penser à temps. C'est ainsi que nous avons listé l'agriculture, l'élevage, le TIC, le tourisme, protection de l'environnement, énergie nucléaire, transformation agroalimentaire, exploitation minière, transport et chemin de fer, et j'en passe. En privilégiant la pratique sur le terrain, vous l'avez toujours dit. Page Société, à présent, je vous le disais en titre, les réfugiés congolais vivant mairie de Bujumbura demande d'avoir la nationalité facilement pour ceux qui le souhaitent bénéficier les soins médicaux et l'éducation pour leurs enfants. Ils l'ont dit ce lundi en date du 20 juin où le monde célèbre la journée des réfugiés. Ces réfugiés congolais apprécient la manière dont le gouvernement burundais les accueille en leur accordant de l'asile. Suivez Ramazani Rehan Tundula, le représentant de ces réfugiés congolais au Burundi. Nous, les réfugiés, nous sommes au nombre de 80 000 personnes dans la sol burundais. Mais ici, nous, en tant que représentants dans la mairie de Bujumbura, nous sommes au nombre de 39 000 personnes. Et d'autres personnes, ça se trouve au camp, nous sommes des urbains. En un mot, je dirais que vraiment, la situation vraiment heureuse est bonne. Aujourd'hui, comme nous célébrons la journée internationale des réfugiés dans le monde, ici, en mairie de Bujumbura, vraiment, nous sommes bien. Pourquoi nous sommes bien? Quand les réfugiés arrivent, nous sommes octroyés les cartes d'identité gratuitement. Là, vraiment, nous disons que vraiment, grand merci au gouvernement burundais. Le D, quand vous êtes arrivé à avoir une arrestation arbitraire au niveau des policiers, vraiment, quand on téléphone à l'ONPRA directement, l'ONPRA fait l'intervention aux réfugiés pour quand même ce soit calme. Les problèmes ne manquent pas puisque nous, les réfugiés urbains, puisqu'on s'efforce pour peut-être trouver à manger. Nous n'avons pas quand même là quelque chose qu'on nous donne au ACR, vous voyez? Non. Nous faisons peut-être, on se débrouille d'une manière ou d'une autre pour peut-être chercher quelque chose à manger. Mais il y a quelques différences entre les réfugiés urbains et ceux qui se trouvent au camp. C'est ce qui se trouve au camp et ils bénéficient quand même des assistances au niveau du ACR et les partenaires. Aujourd'hui, en marge de la semaine de cette journée, qu'est-ce que vous demandez par rapport à la vie actuelle? Ce que nous demandons peut-être au ACR et les partenaires, en tant que peut-être le réfugié, nous savons que quand on t'appelle réfugié, tu n'as rien. Nous demanderions peut-être au gouvernement et au ACR de voir comment l'aider. Il y a un réfugié qui encore qui vient peut-être du Congo, il traverse les frontières. Ce que je peux demander peut-être au gouvernement de les accueillir comme nous les autres. Page Culture à présent, échanger sur toutes leurs nécessités, que ce soit sécuritaire, matériel et autres, tels sont les points à l'ordre du jour qui ont réuni les experts en provenance de l'EAC en matière de la culture. C'est dans le cadre de la préparation de la 5e édition du Festival de l'art et de la culture Jamafest qui se tiendra au Burundi en date du 4 au 12 septembre cette année. Propos de Aimé Nkurunziza, directeur général des affaires sociales au sein du ministère en charge des affaires de la communauté est-africaine. Suivez-le. C'est un festival qui se tient une fois les deux ans. On avait déjà tenu deux réunions d'une manière virtuelle. Et là, la réunion rassemble des experts en provenance des pays partenaires de la communauté est-africaine, des experts en matière de la culture qui se rencontrent pour discuter, pour planifier, pour voir comment ce festival peut se tenir d'une manière effective et peut être couronné de succès. C'est une manière d'échanger d'expériences, de bonnes pratiques au niveau culturel. Et c'est aussi une opportunité pour le pays parce que accueillir un nombre aussi important de personnes, ça rentre quelque chose au niveau économique pour le pays. Parce que ceux qui vont venir participer vont utiliser des hôtels, vont vivre dans les hôtels, vont se déplacer au niveau du pays en utilisant des déplacements locaux. Bref, ils vont visiter des sites touristiques ou historiques et après, lorsqu'ils retourneront chez eux, ils seront des ambassadeurs pour le Burundi. Ils vendront l'image qu'ils auront vue du Burundi et cela sera une opportunité pour le Burundi. Il y a l'art culinaire, il y a ceux qui font des objets d'art, la céramique, les dessins. Tout cela, c'est une opportunité pour eux de se montrer au niveau régional. Radio Isanganiro, chronique sport. Page chronique à présent lors des compétitions du jeu de sitting volleyball pratiqué par les personnes aveugles. Il doit y avoir plusieurs arbitres qui ont des fonctions différentes guidées par deux principaux arbitres. Cassien Vizavigomba, directeur technique adjoint au sein du comité national paralympique, indique que dans des grandes compétitions, le nombre de ces arbitres augmente selon le genre de la compétition organisée. Les détails avec Marie-Claire Cazenette. Le jeu de sitting volleyball pratiqué par les personnes aveugles est arbitré par plusieurs arbitres qui ont des fonctions différentes. Ceux-ci sont guidés par deux principaux arbitres, selon Kassia Vizavigomba, directeur technique adjoint au sein du comité national paraolympique. Il y a le premier arbitre, il y a le deuxième arbitre, il y a l'arbitre qui peut remplacer le premier arbitre en cas de problème ou bien d'incident qui peut survenir au premier arbitre. Et il y a le marqueur, il y a aussi celui qui tient le marquoir, il y a les juges de ligne. Tous ces gens-là composent ce qu'on appelle le corps arbitral. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont appelés des arbitres, ils sont tous dans le corps arbitral. Ces arbitres de sitting volleyball sont capables même d'arbitrer les compétitions de volleyball classique. Comme d'habitude, tout le monde sache qu'il y a deux arbitres de volleyball, que ce soit classique ou volleyball assis ou volleyball sitting. Mais qui dit arbitre dit toute personne qui est inclue dans les activités ou bien festivités d'un match en cours. Ce directeur technique adjoint au sein du comité national paralympique précise que les règles régissant le sitting volleyball sont presque semblables à ceux du volleyball classique. Le jeu de sitting volleyball est arbitré comme le volleyball classique, comme d'habitude, sauf qu'il y ait quelques modifications ou bien quelques différences entre les fautes punies du côté volleyball classique qui ne sont pas punies du côté sitting volleyball ou bien qui sont punies du côté sitting volleyball, mais qui ne sont pas punis du côté volleyball classique. Et c'est presque la même chose, l'arbitrage de volleyball sitting et volleyball classique. Dans la prochaine chronique sportive, Kassia Vizavigomba nous expliquera sur quels critères les arbitres se basent pour attribuer les points. Et c'est sur cette chronique que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme Lambona pour la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikoubanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse de la communauté de l'Afrique de l'Est. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette revue de presse régionale. Insécurité à l'est de la RDC. Muhindo Nzagi, José Mpanda et Antoinette Kipulu appellent la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à condamner fermement le Rwanda, titre le journal Actualité CD. Les ministres congolais Muhindo Nzagi, José Mpanda, Kabangu et Antoinette Kipulu, respectivement de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologie et de la formation professionnelle ont été reçus en audience samedi le 18 juin par le président malawite Lazarus Chakwera en sa qualité de président en exercice de cette organisation sous-régionale. C'était en marge de la réunion des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenue à Lilongwe, au Malawi, le 18 juin dernier. Au cours de leurs échanges, les membres du gouvernement Sam Lukonde ont fait savoir au président de la SADC que c'est le Rwanda qui agresse son voisin, la RDC, et non le M23. Les ministres congolais ont demandé à la SADC, à travers son président en exercice, de condamner ouvertement et fermement cette agression dont est victime sans cause l'un des membres parmi les 5 pays francophones sur les 16 qu'elle compte. Selon toujours le journal Actualité CD, les ministres congolais recommandent au président malawite et président en exercice de la SADC que cette condamnation soit accompagnée du soutien et appui fort de ses membres. S'agissant du déroulement de la réunion des ministres de la SADC en charge de l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation, il a été décidé que la RDC prenne dès le mois d'août 2023 la présidence de cette organisation. Moussa est venu au Kenya pour une réunion de l'EAC pour discuter du conflit en RD Congo, rapporte le journal Daily Monitor. Le président Moussa est venu est arrivé au Kenya où d'autres dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est sont attendus ce lundi pour une réunion convoquée par le président Kenya Uhuru Kenyatta pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le troisième conclave de l'EAC, dont les membres sont le Kenya, la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, a été mis en place pour encourager le dialogue entre les rebelles et le gouvernement congolais. Les habitants de l'Est de la RDC ont longtemps souffert et continuent de payer un prix démesurément lourd en vies humaines, en biens et en paix insaisissables, a déclaré le président Kenyatta, l'actuel président de l'EAC, dans un communiqué annonçant la réunion de ce lundi à Nairobi. Les responsabilités d'Hyper sont assumées par la mère, écrit le journal Mwananchi. Hier, le monde a célébré la fête internationale des pères, fondée à Spokane, Washington, USA, en 1910 avec Sonora Smart Dodd, originaire de l'Arkansas. William Jackson Smart, père de Sonora, était un ancien soldat et a élevé 6 enfants en tant que père célibataire. Plusieurs années après la célébration de cette journée aux États-Unis, le message a finalement atteint le monde entier et les nations ont commencé à célébrer cette journée dans le but d'honorer les pères qui se consacrent au statut et à la richesse dans l'éducation des enfants. Selon la littérature du psychologue, les enfants qui sont impliqués avec des pères sont plus susceptibles d'être en bonne santé émotionnelle, sociale et mentale. Mais lorsque les enfants ont des problèmes, avoir un père responsable les aide à mieux contrôler leurs émotions que les enfants sans père. Une étude publiée sur le site Psychology Today montre que les enfants qui sont proches de leur père sont plus confiants et se sentent en sécurité. Et plus, ils vieillissent meilleurs et leur relation avec leurs parents. Voilà, c'est par ici que prend fin cette revue de presse régionale. À la présentation, vous étiez avec Vestine Boutoui et Didier Nyonzima. À la prochaine. Actualité régionale.